بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الشيخ حمود رحمه الله وسمعت بعضهم يصرح على رؤوس الأشهاد بإنكار الحب في الله والبغض في الله وسمعتهم أيضا يحثون الناس في خطبهم وقصصهم على حسن السلوك مع الناس كلهم. Après avoir montré l'importance de ce fondement, رحمة الله عليه, تذكرون à la fin du dernier درس قال, on répète son كلام, حتى إن كثيرا من المنتسبين إلى العلم قد صاروا يدندنون حول إنكار هذه الأعمال الفاضلة المحبوبة إلى الله. أي الحب في الله والبغض في الله. On vit à une époque. كلام الشيخ حمود رحمة الله عليه كما تقدم معنا يا quelques années الآن. Il y a une cinquantaine d'années, أقل أو أكثر. Et déjà, il avait remarqué أن بعض بل قال كثيرا من المنتسبين إلى العلم. Ils se prétendent des imams, des du'at, des prêcheurs. Et عيادا بالله, au lieu d'appliquer ce point, ce fondement essentiel, شغلهم الشاغل ينتقدون على أهل السنة على السلفيين. Pourquoi ? Ils disent que les koufars c'est kada. Pourquoi ils disent qu'un tel c'est un moubtadi'? Pourquoi ils disent qu'il ne faut pas parler à un tel? Celui qui ne sait pas, il demande la preuve, il demande le haq. Un mal intiqad sans chercher le haq, ça c'est pas min al-insaf, c'est pas juste. Comme min al-nas, rubbama ahyanan tarud ala munharif, ala moubtil. Tu répliques, tu écris ou tu enregistres, mouhim, tu montres la situation d'un égaré. والله احيانا حتى des redouts sur le kuffar. Tu trouves min al-muslimin, ils sont pas d'accord. Ils te demandent pas le haq. Et pourquoi? Si tu arrives à le convaincre, alhamdulillah, là, il veut pas savoir ton avis, il te dit là, c'est pas comme ça. Pourquoi tu critiques les autres et la akhir? Et le mushkila, on est arrivé à un niveau, à notre époque, c'est hatta fil kuffar. Wallahi, demain, si tu fais un rad sur eux, on dit pas un yahoudi, on dit pas un juif. Là, on dit sur les yahoudi, il y a la religion. Tu trouveras min al-muslimin, ils seront pas d'accord. Iyadan billah. Alors que tu critiques pas une personne, là, tu critiques une religion batila. Allah subhanahu wa ta'ala bayyana que c'est du kufr. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a montré que les gens du livre, ils se sont égarés. L'unanimité des savants, l'unanimité de la umma, et tu trouves wahed, iyadan billah, à cause de son ignorance ou ses passions, il sera pas d'accord. Bel, il va te critiquer ant. Au lieu de critiquer اليهودي النجس أو النصراني المشرك أو أطر لا يفتك خيتك أنت. Pourquoi? لأن عيدا بالله الهوى. C'est pour ça que c'est important de chercher الحق. أما vouloir satisfaire tout le monde. وبعضهم يسون على هذا المنهج عيدا بالله. Et c'est eux que الشيخ حمود رحمة الله عليه الآن يفيز avec son كلام. وبعضهم الآن faut critiquer personne. Les Yahoudis font ce qu'ils ont à faire, les chrétiens font ce qu'ils ont à faire, Thomas le Muslimoun, les groupes, un tel il fait partie de tel groupe, chacun il fait ce qu'il a à faire et tu dois critiquer personne. Ça c'est pas tariqat Ahl Sunnah, abadan. C'est pour ça que dans beaucoup d'endroits, al-haq dha'a à notre époque. Vous avez remarqué, hein, là? Beaucoup d'endroits, les gens ils savent plus différencier entre le haq ou le batil. Limadha li'anna al-bayan wa al-nasiha. Elle est plus à sa place. Elle est plus faite du tout dans certains endroits. Enfin, tu trouves, Wardanas, ils sont habitués à ça. Ils entendent une critique, ça les choque. Ils parlent sur les gens et pourquoi ils critiquent les autres. Est-ce qu'il est mieux que les autres? C'est rare que Wahed dit, il l'a critiqué, pourquoi? S'il dit pourquoi, c'est une alama très ilf al-haqiq. Tu peux rentrer min hadha al-bab et tu lui montres. S'il est vraiment sincère et il veut le haq, tu vas lui montrer, il va dire sahih. Sahih, si vraiment tu le critiques pour cela, il a fait ces choses, enfin, il va être d'accord avec toi. Lakin, là, on vit à une époque, là, même cette question, pourquoi elle n'est plus... Là, c'est, tu ne dois pas parler, tu dois te taire. Bel, ils ont inventé, iyadan billah, des choses. Al-haqiqa, ils les ont pris, min a'da illahi azza wa jal, le respect, la tolérance, l'amour, la fraternité. Tout ça, al-haqiqa, ça contredit ce point. Al-wala wal-bara. Est-ce que dans tous les textes qu'on a vus, comme min ayat, comme min ahadith, est-ce que une fois tu as entendu mitla hadha al-kalam ou un verset ou un hadith qui montre que ces principes qui sont répandus de tolérance, de liberté, de fraternité, est-ce que tu as des adillah ala hada? Abadan. Tu as des adillah, tu dois aimer pour Allah, détester pour Allah. Tu dois rapprocher le mu'min, tu dois t'écarter du kafir. Kam min adillah. Ce livre, il a été écrit que pour cela. فَلِهَذَا قَالَ وَسَمِعْتُ بَعْضَهُمْ يُصِرِّحَ عَلَى رُؤُوسِ الْأَشْهَادِ بِإِنْكَارِ الْحُبِّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضِ فِي اللَّهِ وَسَمِعْتُهُمْ أَيْضًا يَحُثُّونَ النَّاسِ فِي خُطَبِهِمْ وَقَصَصِهِمْ عَلَى حُسْنِ السُّلُوكِ مَعَ النَّاسِ كُلِّهِمْ. À l'époque de Cheikh Hamoud, rahmatullah alayhi. Et ta'lamoun anna Cheikh Hamoud, il vivait fi al-mamlaka al-arabiyya al-saoudiyya, al-bilad al-tayyib, bilad al-tawhid. Et malgré cela, il a entendu, il a vu l'a'lam. Où est-ce qu'il a entendu hada? Mouhim, c'était propagé à son époque. Que dire à notre époque? Que dire l'un du'at al-dalal wal-inhiraf wa ba'aduhum wallahi, tu n'as aucun doute anna kalamahum c'est de la zandaqa. C'est du nifaq, wadih. La personne, Allah alam bihali, lakin ce qu'il dit n'est aucun doute que c'est du nifaq. Ta'anun vil islam et madhun lil kufr wal kuffar. Ils accusent l'islam et leurs frères et fi janib al-kuffar, enfin les compliments, la liberté, le respect, la tolérance. Qala, et ta'ammal hadha al-kalam, wa aydan, yahuthoun al-nas fi khutabihim wa qassasihim ala husni al-suluk. Ça c'est une alame. Tayyiba, on l'a cité plusieurs fois, ma'akum fi hadha al-dars wa fi ghayri, et huna wa lillahi l'hamd, Cheikh Hamoud, alayhi rahmatullah, il a cité hadha al-kalam al-jamil. Et ça c'est une alame pour les reconnaître, ha'oula. دعات على أبواب جهنم كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم des prêcheurs aux portes de l'enfer. Qu'est-ce qu'ils font? يحثون الناس. Ils encouragent les gens في خطبهم وقصصهم qui ne sont pas fondés sur le Coran ou le Sunna بل كما قال الشيخ هنا في قصصهم c'est des histoires, leur expérience personnelle إلى آخره على حسن السلوك, le bon comportement. خطب هؤلاء et les دروس de هؤلاء c'est il faut être généreux, il faut être bon avec le voisin, il faut être souriant, il faut avoir un bon comportement, ça s'arrête là. Ils ont pris une partie de notre dîn et ils l'utilisent pour leur profit à eux. Et pour écouter ce dars, al-khutba walillahi alhamd, c'est pas encore payant. Et la tadri, et c'est pas ba'id, qu'un jour, Allah, certains de leurs masajid, rubbama pour faire le jama'a ou le jumu'a, ils font une cotisation. Lakin durus ha'oula, pour entendre هذه الخرافات et ça écarte du din, عياذا بالله, c'est payant. واحد المنحرف, ils ont propagé, اسمه أيمن, أيمن تيار, c'est un منحرف, نعوذ بالله, et c'est un جاهل. Et il dit des paroles très très graves, زندقه واضحه, qui sort de sa bouche, et ils ont propagé الآن أنه, il va faire un séminaire avec deux, trois kalima, un peu le matin, un peu l'après-midi, 180 euros les deux jours, samedi, dimanche. نعوذ بالله. Ça c'est quoi? Awwalan son kalam il est batil et il va appeler à hada. Il faut être généreux, il faut être patient avec le voisin, il faut ne pas critiquer les kuffars. Lui il a un kalam wadih, lui c'est un kalam très très grave. La'alla si on a le temps bi'idhnillahi azza wa jal on montre hal hada al mujrim al jahil. Lakin c'est quoi l'objectif? C'est le mal. S'il est sincère et il veut le bien pour la umma, awwalan apprend. Et pourquoi tu fais payant? Qu'est-ce que tu vas faire en deux jours 180 euros par personne? 180 euros par personne. 180 euros, là, tu vis tout le mois. 180 euros par personne, Allah alam kam. 10 personnes, 20, 50, 100. Thumma, après cela, les vacances, il a arrêté. Thumma, dès qu'ils ont besoin d'argent, tout ça, bismuddin. Qala Cheikh Hamoud, rahmatullah alayhi, fi khutabihim wa qasasihim ala husni suluk ma'an nas kullihim. انظروا وتأملوا قوله كلهم. Jamais tu entendras هؤلاء المنحرفون رشيد الجاي بوسنا هذا الجاهل comme vient de citer إسماعيل منير دعاة الضلال والتميع والانحراف. Jamais tu les entendras citer هذا الباب العظيم الولاء والبراء أبدا. لماذا؟ لأن ça va toucher à leur poche et à leur ventre. Ils sont في بلاد الكفر. Et nous, on ne dit pas que l'insan, il dit des choses et Obama, il ne peut pas patienter, ça lui fait du mal. Alal aqal, si tu ne peux pas, ne t'avance pas. Amma tu harib ikhwana, que tu propages le batil, et tout cela, c'est payant. Tout ce qu'ils font là, c'est payant. Les sujets qu'ils traitent, c'est les sujets où tout le monde est d'accord. Ils vont mettre en garde contre certains péchés, az-zina, et le meurtre, l'injustice, le vol, la corruption. Ils mettent en garde contre ça. Dans leur pays, pour préserver leur pays. Ils mettent en garde pour préserver leur poche. Un mal mu'mini met en garde pour din. C'est pour ça qu'il met en garde contre la corruption, contre le vol, contre le mensonge, contre le meurtre, contre le shirk, contre le bid'a, contre les juifs, contre les chrétiens. C'est du din. Ils prennent une partie, ce qui les intéresse, et l'autre partie, ça peut leur nuire, surtout à leur poche. Voilà. Et le mas'ouliya al-azima, comme il y a des gens qui écoutent ha'oula. C'est pour ça que le nasiha lil ikhwan, c'est l'ijtihad fi bayan hal ha'oula. En fait, nous avons un ضعف كبير. Ha'oula, ils ont un achat. Et rubbama ya'uzuhum al-shaytan. Que ce soit shayatin al-jinn ou al-ins. Les motivent, ils les poussent. Et khasatan, ils sont motivés par l'argent. 180 tous les deux jours, wa'adnas, ils donneraient des doros nuit et jour. Ils dorment plus 180 euros. Ça les motive, la chèque. Et tu trouves le muqabil al-rudud va'ifa. Va'ifa de deux sortes. Va'ifa et qalila. Et va'ifa, les gens parlent et ils radent à ha'oula et leur kalam il est va'if. Hatta ha'oula al-juhal ils disent regardez, le rad il est mal fait. Et hum ils s'en servent. Et nous on parle de al-rudud al-ilmiya, lakin va'ifa, qalila. Et ha'oula nashat. Ba'dhum c'est des vidéos tous les jours. Des audios plusieurs fois par jour. Les massages, les séminaires, les al-umra, les voyages. Et tu trouves, nous, va'af. Va'af. Pourquoi? Parce que Allah alam. Est-ce que c'est niya? Est-ce que c'est madri? Tawfiq, c'est min Allah. Azza wa jal. Nansah al-ikhwan, il y a l'ijtihad fi hada. Même si toi, tu ne peux pas propager. La tadun, an al-haq, il n'a pas d'athar. Wallahi, ahyanan, tu fais une chose, une kalima, ou un rad. Rubama, il n'est même pas beaucoup préparé, tu t'attendais même pas. Et umma min al-nas, ils en profitent. Anta, mazalan, al-aqal, c'est, tu connais une hirav ha'oula, tu cites leurs paroles bin nas. Thumma, tu cites un verset du Coran Karim. Thumma, tu cites un hadith du prophète Isa, pour montrer qu'ils contredisent. Thumma, tu cites mazalan la parole d'un savant. Tout ça, birtisar. Et tu le propages à l'écrit. Ou un dars. Un de tes frères, il a fait, si toi tu n'as pas le qudra, un dars, tu le propages. Hakadahoum, ils n'arrêtent pas, des chaînes, huna, dans les réseaux sociaux. Dans... Nahnou, c'est va'if, c'est qalil. Et on doit faire attention à ça. Li amna kullama, comme a qala ba'du al-a'imma, kullama qawiy al-haq, fa al-batil yad'uf. Wa kullama dha'uf al-haq, al-batil yantashir. C'est pour ça que ha'oula, parmi les choses qu'ils détestent le plus, c'est ar-rudud. Wallahi, ça leur fait du mal, jiddan. Limadha, li'annahum, ils sont va'if, fi imanihim, et connaissent pas le aqidah kathir minhum, et ils sont attirés par dunya. Enfin, ils le critiquent, ça le touche. Et tu le vois, tu l'entends dans leurs audios, ahyanan. Ils essayent de répondre, ils essayent de faire croire que ça les touche pas, ça les touche. Si t'en parles, c'est que ça te touche. Limadha, nous conseillons nos frères, l'ijtihad. Et une autre moussiba, l'anana, kathir min ahle sunna, shugilou bi anfusihim. Hada critique hada, hada critique hada, des frères entre eux, une masala les divise pendant des heures dans les réseaux sociaux, qu'il wa qal, fulani lave, et haoula, ils propagent leur shor. Ça ne veut pas dire qu'on ne réplique pas aux égarés, même qui se disent de ahle sunna, même qui sont proches de la sunna. Un égarement, c'est un égarement. Bel égarement de al-hizbiyin, al-munharifin, qui font apparaître la sunna, il peut être plus grave. خاصةً pour les sunnah eux-mêmes, ربما يغترون. أما هؤلاء leur شر, il est خاصة في العوام. Et العوام, on ne doit pas les négliger. Les عوام, ils sont beaucoup plus que quand on dit les عوام, et ceux qui ne connaissent pas sunnah. وإلا فبعض أهل السنة, c'est des عوام. بعض السلفيين, c'est des عوام. عامي, c'est celui qui n'a pas étudié. لكن, الآن, on dit beaucoup عوام pour ceux qui ne connaissent pas المنهج السلفي السنة. Haoula, ils sont kathir et ils aiment le din jiddan. Et on ne doit pas les oublier, nahnou. Haoula, ils ne connaissent pas toutes les khilafats qu'il y a l'an. Anna fulan, ça meftoun, ils ne connaissent pas hadhi l'umour. Eux, ils aiment l'islam et on a une époque, c'est plus les livres. Beaucoup de librairies, elles ferment. On a une époque, kathir ou minan nas, ils sont plus, vont plus dans les masajids, sauf le jumu'a, où ils font salat et s'arrêtent là. On est à une époque, c'est les réseaux sociaux. Haoula, il se connecte et il écrit islam ou le sujet qu'il veut, le premier qui apparaît, il écoute. Thumma huwa son mizan, Il va peser les choses. Comment? Avec l'éloquence. Il a une belle voix, il récite bien, j'ai compris. Ça s'arrête là, ils ne savent pas. Et comme minha oula, après avoir écouté des rodotes ou lu, ça les touche. Somma, c'est une cause pour qu'ils reviennent. Mais on ne doit pas les négliger. Ou une traduction. Ou ikhtisar kalam ahl al-ilm. Ou tu montres leur égarement. Ils appellent clairement à ne pas dire que les kuffars min yahoud ou nasara, c'est des kuffars. Tu ne dois pas dire ça. Ba'dhum, ils disent là, le tawhid, c'est pas comme vous dites. Ba'dhum wa ba'dhum. Des choses qu'on a étudiées, que vous avez étudiées, on doit montrer. Amal insan, il pense qu'à lui. Il s'occupe que de lui. Et il trouve du temps que pour lui. Al-Ikhwan, ils disent, on n'a pas le temps. T'as du temps comme tout le monde. T'as du temps, 24 heures. Il n'y a pas que moi qui ai 24 heures. Toi, tu as 24 heures, il a 24 heures. Tout le monde. Le temps, il faut aller le chercher. On n'a pas le temps. Si tu fais aucun effort pour trouver du temps, tu n'as pas le temps. Tes enfants, ils vont te prendre une partie. Phil Bay, ça va te prendre une autre partie. Tes choses personnelles, ça va te prendre une partie. Le travail, une partie. Non, c'est vrai, il n'y a plus de temps. Cherche-le. Et si tu sais que l'amr, il est muhim, t'en trouveras du temps. Amma, le temps, ils en ont. Et ils l'utilisent pour propager ash-shar. On doit montrer. On doit montrer, propager. Dès que tu propages, hada, il propage, hada, il propage, hada. Il khayr kathir. Un mois, deux mois, six mois, un an, tu trouves l'hamdulillah. Rad ala hadi shubha, rad, et avec tasmiya. Nous, on ne fait pas partie de ceux qui disent là, il ne faut pas les nommer. Abadan. Qu'il ne faut pas les nommer. Ils font du shor. Si on ne les nomme pas, les gens ne vont pas savoir. Là, Foulan ibn Foulan. Et en étant juste. Foulan ibn Foulan. Il a dit dans tel audio, telle minute, et la phrase bin nos. On écrit, on recopie exactement ce qu'il a dit. Attends, on n'ouvre pas un bab, mais j'ai pas dit ça. Exactement ce qu'il a dit. Et un rad mukhtasar. Pas besoin de faire des rododes longs, que ce soit à l'audio ou à l'écrit. Très très long. Et les gens, après, on est à une époque, les choses longues, ils n'ont pas le temps. Et ils n'ont pas l'envie, surtout. Les choses mukhtasar. Et hada, ils propagent min huna, et hada min huna. Et vous verrez le khayr. Quelques années, vous verrez. Et Allah subhanahu wa ta'ala, khabirun alim. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il veut. Rubama, ta parole, il t'élèvera avec et umma min al-nasi yastafidun. C'est un rappel. Les malades, les haoula, ils font beaucoup de mal. Qala, ala husni as-suluk ma'an nas kullihim wa istijlab mawaddatihim wa mahabbatihim wa yuraghibunahum fi idhhar al-bashasha li kulli ahad. Hada, tu l'entends un dans les doros de haoula qu'on a cité. Il faut être souriant, il faut être... Ils ont que ce mot à la bouche. Il faut être souriant, il faut être tolérant, il faut être respectueux. Ils oublient tout le djinn. Pourquoi le prophète, alayhi salatu salam, il a combattu le mouchriquin? Pourquoi le prophète, sallallahu alayhi salam, il s'est mis en colère? Pourquoi le prophète, sallallahu alayhi salam, il a été chassé de Mecca? Pourquoi les sahaba, radiyallahu anhum, toutes ces épreuves, ils ont enduré? Même le sourire, il a une énorme place dans notre djinn. Et détester villah, et se mettre en colère villah, et mettre en garde, ça a une énorme place. Les deux, ils vont ensemble. Mais celui qui penche que d'un côté et délaisse l'autre, ayyadun billah, il ouvre un bab d'égarement. Qala, wa sawa'un ala zahir kalamihim as-salih wa at-talih min an-nas wa rubbama sarraha ba'dhum an hadhihi al-af'al adh-dhamima min husni al-khuluq wa min muqtadayat al-aql. Pour eux, c'est le bon comportement et c'est ça la raison. Celui qui fait ça, il a un bon comportement, c'est un aql. Et celui qui délaisse cela, hey, le fait d'être souriant avec tout le monde, il faut être tolérant envers tout le monde, il faut aimer ton frère, l'être humain, c'est ton prochain et la akhira. Celui qui délaisse ça, pour eux, c'est un extrémiste. Il se précipite, il fait peur aux gens, il manque de sagesse. Les mazal et annahaoula, ils ne connaissent pas leur dîn. Et ba'dhum, ils connaissent, iyadun billah, et ils propagent le mal, amdan, volontairement. Qala rahimahullah. فيقال لهؤلاء الحيارى المغرورين وصف جميل لهؤلاء الحيارى c'est le جمع de حيران الحيران c'est الذي عنده شكوك celui qui a des doutes celui qui ne sait plus distinguer entre le droit chemin le mauvais chemin et il est perdu قال والمغرورين كذلك غرهم الشيطان وكذلك غرهم المال. Maghrourine, bimada, la popularité. Badoum l'an, c'est devenu, ils sont dans un système, dans une ambiance, comme si c'était des stars. Wallahi, comme si c'était des chanteurs. Ils ont des fans, ils ont des suiveurs, ils se mettent en scène sur les réseaux sociaux. Et vu qu'ils ont un public, ce public c'est leur fonds de commerce. Ils ne peuvent pas dire ce qu'ils veulent. Amma sahib al-haq, il dit al-haq. Celui qui est d'accord, alhamdoulilah, celui qui n'est pas d'accord, entre toi et moi, il n'y a que amma siha. Et alhamdoulilah, il est d'accord, reste pas d'accord, tawakkal ala Allah. Je me trompe, montre. Tu te trompes, je te montre. Et entre nous, al-haq. Le Coran et le Sunna. Haoula, il n'y a pas de tout cela là. Tu es d'accord avec lui, il va t'élever, tu vas l'élever, il va te gonfler, tu vas le gonfler. Il y a des sommes d'argent, il y a kada, il y a kada. Tu n'es pas d'accord avec lui si c'est sur les réseaux sociaux, il te bloque. Et si c'est dans la vraie vie, il te parle plus. Haoula, ils font le hajra à des frères, min ahl al-Sunna. Et min al-Salafiyyin, min ahl al-Aqd. Et tu les trouves avec le kuffar, ils appellent au sourire, à la tolérance. L'imada, t'es pas tolérant avec ton frère. La tolérance, normalement, tu dois l'écouter, tu dois l'imada, tu l'écoutes pas. Pourquoi t'es pas tolérant avec le haq? Ça montre, leur wala, leur bara, leur mualat, leur muadat, c'est pas fillah, c'est fi anfusihim. Par rapport à eux. Si tu le caresses dans le sens du poil, taïb. Si tu mets en garde, tu critiques, même pas une mise en garde, un conseil, là, tu te trompes dans cela et tu verras. Tu verras le sourire, la sagesse, la tolérance, ça va se transformer en quoi? Fahayara et maghrourin. Maghrourin, ils ont été trompés. Et hayara, ils sont perdus. Wasfan, liha ulay. Ils sont perdus et kadalik, ils ont été trompés par leur nafs, par leur passion et par shaitan. فيقال لهؤلاء الحيار المغرورين العقل في باب الحب والبغض والموالات والمعادات عقلا. هذا كلام طيب. لماذا؟ لأن هؤلاء souvent ils emploient ce mot العاقل أو العقل. العاقل c'est celui qui est doué de raison. Et العاقل il doit faire telle chose, il ne doit pas faire telle chose. الشيخ حمود رحمة الله عليه الآن il montre أن العقل il est de deux catégories. Et la raison. أحدهما عقل مسدد وموفق قاهر للهوى والنفس الأمارة بالسوء قد استنار بنور الإيمان وصار الحاكم عليه كتاب الله والسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Ça c'est le premier عقل. إنسان, ses efforts, c'est de rechercher la vérité, de la mettre en pratique, même si les autres ils sont pas d'accord, même si tout le monde est contre lui. Son but c'est هذا العقل. عقل مسدد موفق. Et ça c'est من الله. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui wafaq qui il veut. قال فهذا العقل يقتضي من أصحابه أن لا يقدموا على طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا. هذا العقل. Ça a poussé هذا الإنسان, cet être humain, homme ou femme, à ne pas délaisser la vérité, qui est le Coran et la Sunna, pour autre. Que ça soit la majorité, que ça soit la parole d'un ami, que ce soit la parole de quelqu'un qui te donne de l'argent, que ce soit la parole là. Son but c'est le haq, c'est le Coran ou le sunnah, et il ne délaisse pas pour autre. قال ويقتضي من أصحابه أن يحبوا في الله ويبغضوا في الله. Celui qui a هذا العقل الطيب المسدد الموفق, il va aimer pour Allah et détester pour Allah. Ça nous montre أن هؤلاء المنحرفين qui appellent à être tolérants, à respecter, à aimer la fraternité إلى آخره et ne pas détester les kuffars, ça montre أن ils ont un problème dans leur دين et كذلك في عقولهم leur raison كذلك. لأن la raison saine elle contredit en rien les textes du Coran et de la Sunna. Enfin, celui qui a un problème في هذا, c'est lui qui a un problème في عقله. قال ويوالوا في الله ويعادوا في الله ويعطوا لله ويمنع لله ويسارع إلى كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال سواء رضي الناس أو سخطوا لا تأخذهم في الله لومة لائم وما أقل أهل هذا العقل في هذه الأزمان المظلمة. Et bien sûr, هؤلاء, vu que leur mizan c'est هذا, ils ont un principe de base, c'est la preuve. Tout ce qui est en accord avec la preuve, il l'aime, il le rapproche, il l'aime. Et ce qui est en désaccord avec la preuve, il le rejette et il le déteste. Bien sûr, si quelqu'un est contredit une preuve, il y a le conseil, il y a le rappel, il y a la patience, il l'aime. Là, quand nous parlons, on résume et on schématise. Ou il l'aime, il y a des choses, ça demande des détails. قال هؤلاء سواء رضي الناس أو سخطوا, c'est la même chose. Que les gens ils soient d'accord ou ils ne soient pas d'accord, les gens ils soient contents ou pas contents, c'est la même chose. Ça ne veut pas dire que tu ne fais pas un effort un tas pour lui montrer le haqq et être la cause pour qu'il soit guidé. Mais Akin, s'il s'entête, il ne veut pas, il est d'accord, il n'est pas d'accord, ça ne change rien. S'il est d'accord, c'est pour lui, s'il est d'accord, c'est pour lui, s'il n'est pas d'accord, ça sera contre lui, on le qiyam. Un tas, ça ne va rien t'enlever. Qala ta'khudhum fil lawmatulaim. Al-lawm, c'est le reproche. Hum, tant qu'ils sont min hizbillah, azza wa jal, et tant qu'ils sont à la surat al-mustaqim, sur le droit chemin, qu'un tel est critique, il met en garde, il n'est pas d'accord, wallahi, ça ne change rien, fil haqiq. Celui qui a la haq, même s'il est critiqué par un autre, tu ne vas pas délaisser la vérité pour le suivre. En ward al-nas, ils mettent en garde, et ils ne sont pas en accord avec toi sur certaines choses. Si tu lui demandes pourquoi la preuve, il ne la cite pas. En gros, je ne suis pas d'accord, et il faut que tu suives autre. Même si tu as le haq, même si tu le montres. Ahyanan, tu leur montres, kada, wa kada, wa kada. Il sait que c'est la vérité. Il ne peut pas répondre. Il se tait, et en gros, si tu ne suis pas, khalas, c'est fini. Hada, il s'est fait du mal qu'à lui. C'est pas une dawa, hadi. Une dawa, c'est fondée sur le haq. Montre le haq, si tu as le haq. Inch'Allah, tu seras suivi par rapport à la vérité. Si tu n'as pas la vérité, aqall al-ahwal, al-insan, il se tait. Qala, wa ma aqall. أهل هذا العقل في هذه الأزمان المظلمة أما هؤلاء ils sont très peu ceux qui sont guidés qui sont à la ilm leur principe c'est aimer pour Allah détester pour Allah ils sont pas attirés par l'argent par le grand nombre par on dit أبتن هؤلاء ils sont قليل très très peu à l'époque de Cheikh Hamoud رحمه الله et 50 ans 60 ans plus tard encore moins. Et le khayr, alhamdulillah, il est hasil. Et le bien, il y en a dans toutes les époques, dans tous les lieux. Qala wal aql al-akhar. Deuxième aql. Aql ma'ishi nifaqi makhdhul. Un aql qui est fondé sur ces choses. Il pense qu'à son ventre, qu'au profit. Nifaq. Et il s'adapte. Il est avec des musulmans, il aura un discours. Il est avec le kuffar, il a un autre discours. Il est seul avec un, il a un discours. En public, il a un discours. C'est tout par rapport à Al-Masalih. Tout par rapport au profit de ses poches. Ça ne veut pas dire que l'insan, il n'a pas le droit de s'adapter dans certaines situations. Là, tu ne vas pas parler à certains comme tu parles à d'autres. Lakin, iyadun billah nifaq. Quand il est avec les mu'minoun, l'islam, il a akhiré. Quand il est avec les kuffars, la liberté, la démocratie. Et robama yat'an fi ikhwani. Ça, ce n'est pas de la hikma. Ça, c'est du nifaq. Ça, c'est de l'hypocrisie. وَلِهَذَا قَالَ نِفَاقِيٌ. Et ce aql, il est fondé sur l'hypocrisie. مَخْذُولٌ. مَخْذُول. Et ça vient de Al-Khudlan. Et là, il wafaq. Il n'a pas de tawfiq. Ça fait du mal qu'à lui-même. Il croit qu'il avance. Il croit que ses suiveurs, ses milliers d'abonnés, ses millions d'abonnés, il croit que ça va lui donner un statut. Et le haqqa, il est مَخْذُول. مَخْذُول. لِمَاذَا لِأَنَّ هَؤُلَا كَثِيرًا. Ils ont oublié Al-Hisab. Mais ils se poseraient des questions. Khasatan, quand il y a une réplique sur eux, ils prendraient du temps d'écouter si c'est fondé sur l'ilm. Thomas de penser à Yom Qiyama, nahum, ils auront des comptes à rendre. Là, chaque ça les aiderait. Qala, qad qaharathu al-nafs al-ammaratu bis-su wa asaratu al-hudud al-dunyawiyya. Ça vient de Al-Qahar. On l'a vu à Dalma'na dans notre dars précédent. Al-Qahr, c'est quelque chose qui est au-dessus de toi, qui t'impose. Falur nafs qaharathum. Aïe, c'est des esclaves de leurs propres âmes. Et al-nafs ta'mur bissou. Qala wa asaratu al-asir, c'est le prisonnier. Al-hudud al-dunyawiyya. Ils sont plus libres. Haoula, ils prétendent être libres. Wallah, ils ne sont pas libres. C'est les esclaves de leur passion et de l'argent. Où qu'il y a de l'argent, ou que leur passion elle les emmène, et ils se dirigent et ils pensent qu'ils sont libres, qu'ils appellent à la vérité. Là, tu appelles à la vérité quand tu appelles au Coran et à la Sunna. Tu es libre quand tu peux dire ce que tu veux. Bien sûr, la liberté, on a muqayyada avec le haq. Tu es libre de dire la vérité si le grand nombre ou l'argent, ça ne te pousse pas à délaisser la vérité. Ils ne sont pas libres. Dis-lui de faqat, dans son dars, faqat, de réciter les versets sur le wala ou le bara. Wallahi, hatta les versets, il ne les récite plus. Demande-lui de faire une conférence sur les hadiths qu'on a vus, sur la hijra. Ou al-iman, al-hub fila ou al-bourd fila. Al-bourd fila, si tu lui poses la question, il faut détester Allah, il faut détester qui? On va pas détester les croyants, ça c'est clair. Vous dites, faut pas détester les juifs, les chrétiens, faut pas détester, comme ils appellent, les non-musulmans. Donc, le prophète, il a dit, al-Bourdvillah, c'est qui? Donne-nous un exemple. Tu verras que Allah, il va citer qui? Peut-être il va citer les shayatin, peut-être il va citer shaytan. On lui dit, et les êtres humains, là, ahad, personne ne mérite à ça. Donc, tous les versets, fil hijra. L'imad al-hijra, l'hijra d'où? Al-hijra, c'est un déplacement d'où à où? Tu verras qui pourra pas répondre. Abadan, ces sujets, on ne les cite jamais, alors que ça fait partie de notre din, bel des fondements de notre din. Aimer pour Allah, détester pour Allah. Qala, wa shahawat al-nafsiyya, kadhalik, al-shahawat. Ba'dahum, ils font des choses, iyadun billah, très très graves. Très très graves. Les ma'adali, anna, leur statut qu'ils ont eu. Ba'dahum, c'est la mixité, ba'dahum, beaucoup de choses. Qala, wa sara al-hakim alayhi al-hawa. Contrairement au premier aql, la première raison, la première catégorie, al-hakim, c'était quoi? C'était le Qur'an ou le sunnah. Huwa, c'est le hawa. C'est les passions. Al-jahl, al-zalim, Ayman, qu'on a cité tout à l'heure, il a fait un audio clairement, on en a marre des, cette chose c'est halal, cette chose c'est haram. En gros, les règles, ça suffit. Les règles qui sont fondées sur les livres. Et, huwa, il a trouvé la solution, c'est, tu fais ce que ton cœur il te dit. El hawa. Exactement, hada. Tu fais ce que ton cœur il te dit. Ton cœur il te dit telle chose, t'es apaisé en toi-même, fais. Et il faut arrêter, ça c'est halal, ça c'est haram, fulan il a dit, il a akhir. Ta'ana fi le Qur'an, ta'ana fi l'ugha arabia, le Qur'an, la langue arabe, les savants, tout le monde y est passé. Limada. Li'anna el hawa. Si il accepte la vérité et il l'écoute, c'est drôle, c'est doit arrêter. C'est un ignorant. Il mélange tout. Ses voyages, les drôles payants, il doit arrêter. Il n'a pas le droit. Il profite sur ses frères musulmans. Et il a akhiré. Normalement, il doit se lever le matin. Il travaille le reste de la journée. Il apprend son din. Il peut plus, hada. Le travail, ça demande un effort. Haoula, ils ont l'habitude à un certain niveau de vie. Et l'ilm, ça demande des efforts. Leur cœur, ils sont malades. فلهذا يزمخي سوشنا نسأل الله عز وجل أن يفضحهم tout ce qui est en accord avec ses passions il va aimer ce qui est en désaccord avec ses passions il va détester c'est pour ça que تلاحظ أن الإنسان l'être humain il est obligé d'aimer et détester لا تغتر قول الكذابين qui appelle à la fraternité c'est un mensonge les démocrates l'un qui appelle à la fraternité ils aiment tout le monde ils font croire هذا ils détestent les musulmans خاصة أهل السنة السلفيين ils les détestent Haoula, les prêcheurs de l'égarement, ils aiment tout le monde. Abedan. Enfin, l'être humain, il est obligé d'aimer et détester. Akhil Karim fait tout pour que cet amour il soit fillah et cette haine, elle soit pour Allah. Azza wa Jal. Et tu détestes ce qu'Allah il déteste. Et alhamdulillah, tu seras reposé. Qala, wa mu'alatuhu li hawa, wa mu'adatuhu li hawa, wa badluhu li hawa, wa man'uhu li hawa, fa hadha al-aql yaqtadhi min arbabihi an yatamallaqu li sa'ir asnaf an-nas bi alsinatihim wa yuhsinu as-suluk ma'a as-salih wa at-talih. Vu que leur principe c'est ça, leur ventre et leur poche et la popularité, les passions, ils sont obligés an yatamallaqu. At-tamalluq c'est changer de visage, s'adapter à toutes les situations. C'est pour ça que Haoula, ils essayent d'être bien avec les vieux à la mosquée, avec les jeunes, avec les koufars, avec... Ba'dhum, iyadun billah, ils parlent bien de hatta ba'd al-mujrimin, de la musique, des films. Ils essayent de, dans tous les secteurs, dans tous les domaines, hatta leur place, elle dure, et leur profit, yastamir, il soit permanent. Qala wa khassatihim wa ma aktharuhu fil muntasibin ila al-ilm. فَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ Et il a fait une précision وَمَا أَكْثَرَ فِي الْمُنْتَسِبِينَ إِلَى الْعِلْمِ لِمَاذَا لِأَنَّ celui qui a du ilm ou qui prétend avoir du ilm عَيَّدًا بِاللَّهِ s'il est touché par tam, par l'amour de l'argent c'est encore plus que les autres l'autre ربما il va aller travailler il a de l'argent il a créé un المنتسب إلى العلم s'il a un manquement dans certaines choses et il rentre dans le dunya enfin, c'est l'extrême en général c'est pour ça que هؤلاء tu trouves طَمَّعِينَ 180 euros billah alayk pour deux jours c'est du zon pour moi on aurait dit s'il y a besoin d'une entraide Obama ils doivent louer une salle Obama ça demande certains coûts il y a ta'awanoun hada il donne 10 hada il donne 20 sans imposer si t'as pas 180 euros tu rentres pas wal ajib si tu lis l'annonce annahu Il a écrit, il faut 50 euros d'acompte. Et si tu et si tu viens pas, les 50 euros c'est fini. Sinon, là, il est c'est haram, hada. Peut-être qu'il est malade, peut-être que sa femme a eu un problème, peut-être que son enfant lui dit, c'est injustice. 50 euros, c'est énorme. Oui, le mec, 50 euros d'acompte, celui qui ne vient pas, c'est pas remboursable. Kana, c'est une entreprise, Madri, ils les ont placés où l'argent? L'argent est dans ses poches. Ondoro, tijara, yadam billah, voulm. Eh, l'adjib, c'est que tu trouves bar de ikhwan, al-muslimin, rafla, et, haqqaqa, ils aiment bien le bien, ceux qui assistent. Il y en a, ça montre qu'ils aiment le bien. Pour donner 180 euros pour écouter hada al-zaloum, al-jahoul, c'est vraiment, il faut être motivé. Et haoula, les suiveurs, ils suivent pas. C'est pour ça que c'est haoula que nous doit essayer de montrer. Wallah subhanahu wa ta'ala qal, wa mallahu bi ghafilin amma ya'malou. Allah subhanahu wa ta'ala, il est pas ghafil. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'alim, c'est le khabir, il sait tout. Il voit tout. Et haoula qui joue l'âne et profite de l'insouciance des musulmans, de leur générosité, de leur grand cœur, et ya'khudouna amwalahum bighayri haqq, et ils propagent le batil. Même s'ils propagent le tawhid, le sunnah, ça serait madriman. 180 euros, c'est énorme. Amma, en propageant le batil, et comme les gens se yanharifoun, rubbama bi sababih, hada, c'est du zulm. Et Allah subhanahu wa ta'ala, khabirun hakim. Qala Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala fi wasf ahl hada al-aql, yadhunnu أربابه أنهم على الشيء إلا أنهم هم الكاذبون فإنهم يرون العقل أن يرضوا الناس على طبقاتهم ويسالموهم. هذا الكلام اللي مهم لماذا؟ لأنه اللي في وصف العقل. أتقدم معنا أن العقل سي لا غيزون. كثير من الناس بل أكثر الناس بل كل الناس يزام العاقل. On dit فلان il est عاقل. Je peux traduire en français, il est intelligent, il sait ce qu'il fait. Dans notre din, al-aqil, c'est celui qui est guidé. Al-muhim, al-aqil, c'est une personne bien et qui a des principes solides, des principes corrects, authentiques, et l'akhir. Kathirun min al-nas, ils pensent que l'aqil, c'est ha'oula. Et vous l'avez déjà vu, hada. Inda ba'd al-awam, qui ne connaissent pas leur din, ils ne connaissent pas tawhid, à cause de leur ignorance. Et haoula, ils aiment le din. À cause de leur ignorance, ils disent certaines choses très très graves. Maintenant, pour eux, l'aqil, c'est qui? Haoula, l'ana, al-munharifin, qui se rapproche des kuffars. Ils s'habillent comme les kuffars. Et ils ont une certaine situation, peut-être qu'ils passent à la télé, peut-être qu'ils travaillent avec ces kuffars. Bon, il a une place. Et indahum, c'est un aqil jitten. Ils disent, dur, hada, il a réussi. Et ils voient, wahid min talabat al-ilm ala sunnah. Et حاله il est طيب لكن تواضع la modestie, et il prend de dunya que ce qu'il a besoin, et ربما il quitte بلاد الكفر, il rejoint ses frères musulmans et il patiente et il est éprouvé par certaines choses. عند هؤلاء هذا il a pas d'aql. Comment il a délaissé بلاد الكفر, comment il a délaissé son travail et il veut qu'apprendre. عندهم c'est pas من العقل الراجح هذا بل عندهم c'est من السفاهة. Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi, l'an, il montre c'est quoi al-aql, al-rajih, al-aql qui est fondé sur al-huda wa al-nur. Qala, yadhunnu arbabuhu annahum ala shay, ala innahum humul kadhibun, fa innahum yarawna al-aql an yurdu al-nas ala tabaqatihim. Et ça c'est très très grave. Celui qui veut satisfaire tout le monde, ala tabaqatihim, ça veut dire il veut satisfaire tout en bas. Je prends de tout en bas, le plus bas statut. Maintenant, un wahed qui vend fissouk, un wahed qui un ami vit le masjid, et ça monte jusqu'au mas'oul ila akhri. Fahada, il va se faire beaucoup de mal. Il sera obligé de faire des concessions dans son din. Limada, comme a dit, ridan nas, huna, c'est pas possible. Ou c'est a-t-il kalam? Ridan nas, ghayatun la tudrak. Hakada qala, ghayru wahed min ahl al-ilm, minhum al-imam al-shafi'i. Ghayatun irda'un nas. Satisfaire les gens, rayatun. Rayatun, je peux traduire par finalité. La tudrak, c'est impossible. T'arriveras jamais. Faliyada qala, wa yusalimuhum. Il va avoir de problèmes avec personne. Quand on dit, il veut ne pas avoir de problèmes, ça ne veut pas dire que Ahlul Haqq, ils veulent des problèmes. Là, lakin, il veut que tout le monde soit d'accord avec lui. Personne ne le critique. Ah là, c'est pas possible. Si tu es à la sunna, tu seras critiqué par Ahlul Bid'a. Si tu es à la tawhid, tu seras critiqué par Ahlul Shirk. Si tu es musulman, tu seras critiqué par Ahlul Kufr. Dans le domaine de dunya, la même chose. Si tu travailles, tu seras critiqué par certains. Dans l'entreprise, la boudoua, had de aqal akhtar, ils ne seront pas d'accord. Dans le domaine des femmes, fahadith wa la haraj. Une petite chose, elles sont jalouses et hadi, elles critiquent hadi. Dans tous les domaines. Les enfants, nefs shay. Hikmatullahi subhanahu wa ta'ala. Limada li anna, on ne pense pas tous pareil. On a des niveaux différents dans la foi, dans la science, dans la compréhension. Ali hada. Foulain, il n'est pas d'accord avec Foulain. La boud. Enfin, celui qui veut que tout le monde soit d'accord avec lui et personne ne le critique, hada, ayyadam billah. Il n'est pas sur le chemin de la droiture. Abadan. قال ويستجلب مودتهم ومحبتهم وهذا مع أنه لا سبيل إليه. هذا le kalam qu'on vient de citer. مع أنه لا سبيل إليه. الشافعي قال رحمة الله عليه رضا الناس غاية لا تدرك. لا تدرك أي c'est pas possible d'y arriver. وهنا قال لا سبيل إليه. Il y a pas de chemin pour هذا. أي c'est impossible. تأمل notre prophète عليه الصلاة والسلام quand Allah subhanahu wa ta'ala il lui a révélé la révélation, est-ce que tout le monde était d'accord avec lui? Pourtant c'était Rasulullah عليه الصلاة والسلام أفضل الناس على الإطلاق. Certains l'ont suivi et أكثر الناس à l'époque ils l'avaient pas suivi. Sahaba ils étaient qalil au départ. Et hakada à notre époque ceux qui aiment et qui suivent le prophète ils sont qalil par rapport aux autres. Fait que dire autre que le prophète عليه الصلاة والسلام? هؤلاء ils sont في غفلة عظيمة, ceux qui pensent que là il ne faut pas dire telle chose, il ne faut pas dire telle chose. Cette pensée, cette conviction, vouloir satisfaire tout le monde, que personne ne me critique, ne pas froisser les gens. Tu vas arrêter de parler sur tout ce qui concerne les kuffars, tu auras peur d'être critiqué. Tu ne vas pas parler sur les innovateurs, tu vas avoir peur d'être critiqué. Tu ne vas pas parler sur Ahlid Dunya. Sur beaucoup de péchés, ils vont te critiquer. C'est exactement hal ha'oula, les prêcheurs de l'ignorance et de l'égarement. Donc ils sont revenus à quoi ? Parler des choses sur quoi tout le monde est d'accord. Est-ce que quelqu'un vient faire du mal à son voisin? Abadan. Fais une khutba, fais un dars sur le bon voisinage, personne ne te critiquera. Ta'lamoun anna ha'oula al-munharifin, al-dullal, anna quand ils propagent des choses sur les réseaux sociaux, hatta ba'd al-kuffar dans les commentaires thana wa madh, ils les complimentent. Imad al-yanna, il va faire un audio de 10 minutes, 15 minutes sur... le fait de être bien avec son voisin, être bon. Hatta al-kafir, il va écouter, il va dire, hatta al-kafir, il aime le bon voisinage. Tu trouves des commentaires. Ba'dhum yasrah, je ne suis pas musulman ila akhirih, mais votre discours ila akhirih, annahu il aime bien et c'est ses principes. Parle de tawhid, parle du prophète Muhammad alayhi salatu salam bihaq, les fondements de notre religion, aimer pour Allah, détester pour Allah, les obligations. Parle de hikmatullah subhanahu wa ta'ala fi shar'i. On a toutes les sentences qu'Allah il a légiférées, c'est bihaq. Parle que des sentences, couper la main du voleur et tu verras les commentaires. Alors que c'est le haq. Comme taqaddam ma'ana dans notre dars, celui qui a légiféré hada, c'est le hakim. Hada pour vous montrer la cause et la conséquence de hada al-madhhab al-battal. Qala, on répète, wa hada ma'a annahu la sabila ilayh, fa huwa itharun lirraha wa da'a ala mu'nati al-adha fillah. Tu as la réponse fi hada al-kalam. Ma annahu c'est impossible. Lakin pourquoi kathirun min an-nas ils ont pris hada al-madhhab? Et ça a engendré une chose de très très grave. Annahum ils ont délaissé aqidatu al-wala billah wal-bara billah. Ma annahu c'est impossible de vouloir satisfaire tout le monde. Lakin kama qala fa huwa itharun lir-raha wad-da'a ala mu'nati al-adha billah. C'est le chemin le plus facile. Ils pensent. Et en fait, même dans ce cas, ils ne seront pas épargnés. Même ils essayent, ils ne seront pas épargnés. Abadan. Lakin, les mada, ils ont choisi ce chemin, ils n'ont pas la force de l'iman, de la foi, pour propager din Allah, pour patienter face aux injustices, face aux critiques. Ils n'ont pas tout ça. Qu'est-ce qu'ils ont pris? Ils ont pris ce chemin. ذاك السفيه qu'on a cité dans le dars précédent, شغله الشاغل سي الثنا على الكفار, les voyages, raha, et amwal al muslimin, les week-ends à 200 euros presque, thumma les voyages, thumma les restaurants, thumma les kuffar, ils ne parlent plus sur eux, ils ne les critiquent pas, Et les musulmans, même ceux qui ne les aiment pas, ils les ont mis de côté, ils ont un petit groupe qui les suit, ils voyagent, ils profitent avec eux. Et raha. Lakin, ça c'est raha et dunya. Et ça ne restera pas. Ha'oulaf al-haqiqa, ils ont délaissé ma huwa a'zam al-akhira. Al-da'i ilallah, son objectif, ça doit être raha al-akhira. Ay al-jannah. Et ta'ammal ma hasala li l'imam Ahmed, rahmatullah alayhi. L'imam Ahmed, il aurait pu faire comme la plupart des gens à son époque. Est-ce que le Coran, il est makhlouq ou il n'est pas makhlouq? Il aurait pu se taire, et vu qu'il était, exposé à la torture, à l'emprisonnement, il avait une part d'excuse, et il aurait pu comme... Là, il a préféré rahat al-akhira, il a été fouetté, il a patienté, emprisonné, il a akhiré, et alhamdoulilah, Allah il l'a élevé. انظر الآن إمام أحمد حتى عند هؤلاء الضلال يفونتل السيتي أحيانا لماذا؟ لأن الإمام أحمد الآن بإذن الله عز وجل يبقى يتك critique celui qui le critique c'est un منحرف même أهل البدع والأهوى يبقى bien de lui إلا بعض الروافض هؤلاء سبع دي مسلمون فلا غراب الإمام أحمد رحمة الله عليه إلى التنصفير اللي يدمضي مرة متى الراحة متى الراحة سؤال طيب quand est-ce que tu vas te reposer. لأن الرجل رحمة الله عليه c'était علم ودعوة. Il a eu une vie très très compliquée, لكن il a patienté. مرة ils lui ont dit متى الراحة يا إمام, quand est-ce que tu vas te reposer? Il a dit في الجنة, quand je rentrerai في الجنة بإذن الله الراحة, ça sera une demeure pour se reposer. أما الآن c'est pas une demeure pour se reposer. هؤلاء vu que leur principal objectif c'est الراحة, ils ont fondé leur دعوة sur ça, c'est pour ça ils ont peur de parler ou mettre en garde, même si c'est haq. Leur objectif c'est que hada. Ça ne veut pas dire que nous on veut les épreuves, on veut souffrir. Lakin, celui qui fait des efforts fil ilm et qui fait des efforts fil da'wa, il doit se préparer à hada. Le prophète alayhi salatu wasalam, ils ont essayé de le tuer, ils l'ont frappé, ils l'ont chassé. Ils ont tué certains de ses compagnons, ils l'ont accusé, ils l'ont insulté. Thumma hijra, jihad, toute sa vie, et les efforts et les sacrifices. Thumma à la fin, alhamdulillah. الآن il est في نعيم عظيم et في الجنة il aura le plus haut degré. فهكذا. Celui qui veut satisfaire tout le monde et il ne peut pas patienter sur la moindre épreuve, qui pose les affaires de la da'wah, c'est pas pour lui. Et il laisse un autre لعل واحد الله اللي وفقه et il fasse. لكن لماذا هؤلاء il lâche pas? Et on peut se dire, vous n'avez pas de ilm, vous n'avez pas de courage, vous êtes faible dans beaucoup de domaines. فدلسي هذا, c'est pas pour vous. أبداً, il y a de l'argent en jeu. Amma, tu crois qu'ils prendraient les risques? Khasatan fi bilad al-kufr, à tout moment ils peuvent se faire accuser, à tout moment ils peuvent. Là, eux ils ont choisi un discours, ils ont fermé les portes aux accusations, ils disent que les kuffars ils veulent entendre, et ils profitent. Iyadan billah. قال وهذا مع انه لا سبيل اليه فهو اثار للراحه وادعى على مؤنه الاذى في الله والموالاه فيه والمعاده فيه وهو وان كان اسلم عاجله فهو الهلك في الاجله. Ça c'est un kalam jamil. On doit tous analyser, méditer, bien comprendre. L'ilm c'est quelque chose de tayyib. Et al-da'wa c'est quelque chose de tayyib. Lakin intabih. Ne pas vouloir franchir les étapes et penser qu'à ton bien-être. Et penser qu'à tes poches, iyadam billah. Hada c'est un sabil pour se faire du mal. Falihada qal wa huwa in kana aslam ajilatan. Al-ajila c'est tout de suite. C'est vrai que al-an ils ont un certain repos. Ils font da'wah sur leur ordinateur et des centaines d'euros par jour. Ils donnent des appels de dons, des conférences, des séminaires et ils se remplissent les poches de jour en jour. Ils ne travaillent pas, personne pour l'instant l'accuse. Il a arrêté. Fiché min al-salam, lakin al-ajila. Thumma qal, fahuwa al-halaku fil ajila. Al-ajila, c'est plus tard. C'est la perte, ayyadan billah. Qal. فإنه ما ذاق طعم الإيمان من لم يوالي في الله ويعادي فيه فالعقل كل العقل ما أوصل إلى رضا الله ورسوله والله الموفق فإنه ما ذاق طعم الإيمان من لم يوالي في الله ويعادي في الله. Celui qui n'aime pas pour Allah et ne déteste pas pour Allah, il goûtera pas à l'Iman. Et on a étudié ensemble plusieurs versets, plusieurs hadiths في هذا المعنى. فالعقل كل العقل ما أوصل إلى رضا الله ورسوله والله موفق. تعريف جميل pour العقل. C'est quoi un عاقل? Quelqu'un qui a compris les choses. Quelqu'un qui s'en sort, comme ils disent l'awam. Fulan il s'en sort, il s'en est sorti. Fulan il a compris. Fulan il est motivé. C'est qui هذا? C'est celui qui prend un chemin, et ce chemin, il satisfait Allah subhanahu wa ta'ala. Et il suit le prophète alayhi salatu wa salam. Hada c'est l'aql. Amma autre que hada, fasse khudlan, wa daya' wa ghurur. Fala taqtar bihadi l'umur. La dunya, ça vient et ça part. Fulan, il est d'accord avec toi, demain il sera plus d'accord avec toi. Al-Katra, aujourd'hui tu as beaucoup de suiveurs, du jour au lendemain tu es accusé d'une chose, plus personne te suit. C'est pas ça al-Mizan. Al-Mizan fait des efforts. Fi ridallahi azza wa jal, avec le tawhid et en suivant le prophète alayhi salatu salam, et Allah subhanahu wa ta'ala il t'élèvera. Même si tout le monde n'est pas d'accord, Allah il t'élèvera. Et tu as un exemple fi al-Rusul wa al-Anbiya alayhi salatu salam, et fi ashab rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam kathalik, et leurs suiveurs. فنسأل الله سبحانه وتعالى الثبات إنك تفي بهذا والحمد لله.